Kita dana kuro akito chue et de pas de refuser tu t'exécutes. Il te donne une matraque pour violer et battre et mener la traque. Aveugler, faire saigner, et tu obéis. Sous le groupe, tu rentres soumis.